Somebody clap your hands. Yes. Well, it's time. Time to bring some joy, y'all. EWF, come on. Yes. Choir, sing. Joy to the world. Mm-hmm. Come on. Don't stop clapping now. Joy to the world. Mm. Yes. That's all right. Woo! Somebody sing joy one more time. Joy to the world. Come on. Yes. Joy to the world. He says, let earth receive. Let earth receive the king. Yes. And what? And heaven and nature sing. Yes. And heaven and nature sing. Yes. And heaven and nature sing. Yes, sir. Huh. Joy to the world. Somebody say joy. All right. The Savior reigns. The Savior reigns. Yes, he does. Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold. J'espère que vous allez bien. Solid Gold chaque semaine à la radio. C'est votre émission de variété anglo-saxonne que vous pouvez retrouver sur internet sur solidgold.fr pour écouter l'émission en direct sur le site, la télécharger directement chez vous ou bien vous abonner au podcast pour n'en manquer aucune. Comme tous les ans, Solid Gold va fêter Noël avec des chansons de Noël. C'est une tradition, vous le savez, chez les artistes américains, notamment américains, les Anglais un peu moins, d'enregistrer un album de Noël dans leur carrière avec des chansons de Noël. Nous allons donc passer 2 heures avec l'esprit de Noël, puisque c'est la période, ça tombe bien. L'album Fil Rouge qui va nous accompagner tout au long de l'émission. C'est le dernier album de Earth, Wind and Fire qui s'appelle Holiday et qui est leur album de Noël. On vient de les entendre avec une chanson traditionnelle, Joy to the World. On va les retrouver tout de suite avec une chanson écrite pour cet album par Philippe Bellet, Maurice White et l'équipe d'Earth, Wind and Fire. Ça s'appelle Happy Seasons. L'esprit de Noël souffle sur Solid Gold aujourd'hui. C'est parti. Christmas, mother's faces and driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, yeah. And it's been so long that I'll be breathing. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Yeah. Top to toe in Tabex. Oh, I got red lights all around. But soon there'll be a freeway. Get my feet on hollow ground. So I sing for you, though you can hear me. With a thousand memories, I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same. Yeah, get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. And I feel you near me, driving my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas with a thousand memories. Dreams take us to dream places. When the snow frets and storms, let me hold you safe and warm. And remember, all that love gives us. This Christmas, oh, I love you so. We won't let this Christmas go. Une reprise d'une chanson de Chris Rea par Mario Biondi, Driving Home for Christmas. Et à l'instant, c'est un tout nouveau single qui est sorti spécialement pour Noël de Dionne Warwick. Ça s'appelle This Christmas et c'est sorti en plus de son nouvel album This Christmas. Oh Come All Ye Faithful, c'est une chanson traditionnelle de Noël qui figure sur cet album Holiday de Earth, Wind and Fire, qui est notre album de Noël de l'année. Et puis, on va entendre une chanson qu'on réentendra un petit peu plus tard dans l'émission. Little Drummer Boy, l'enfant au tambour, c'est la version de Whitney Houston qu'on va entendre pour ce Solid Gold spécial Noël. Joyful and triumphant, O come, O come to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O Our newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. Today before the king, pa-rum-pa-pum-pum, pa-rum-pa-pum-pum, pa-rum-pa-pum-pum. So to honor him, I am a poor boy too, I have no gift to bring, that's fit to give a king, shall I play for you? On my drum, yeah. Come on. We won't go until we get some. We won't go until we get some. till we get some soul greensome out here. Yeah, while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Do, do, merry, merry, merry Christmas. Do, do, merry, merry, merry Christmas. Marvelous and all without it. Their jungle songs to every home. Tidings be bringing to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Le groupe vocal Take Six dans Solid Gold avec un classique, We Wish You a Merry Christmas, en medley avec Carol of the Bells. Winter Wonderland, cette chanson-là aussi, c'est un classique de Noël aux États-Unis et ça figure sur cet album d'Earth, Wind & Fire, Holiday, un album de Noël. Ça tombe bien puisque nous sommes en pleine période de Noël. Solid Gold donc fête Noël avec Earth, Wind & Fire et juste après avec Aretha Franklin et Christmas Ain't Christmas. In the lane, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight. Yeah, we're walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. On the way is the bluebird. A new bird. We're walking. Oh yeah. You're my winter wonderland. In a winter wonderland. Well, I saw his face all aglow last year this time. Now I stand all alone in this house, ain't no without that man of mine. Yeah. Christmas just ain't Christmas without the one you love. New Year just ain't New Year's without the one you love. Yeah. 12 o'clock and all is well, and I was doing oh so swell. Oh, last year this time, going shopping for presents together, vowing to leave each other never. Ah, it was a waste of time. Christmas just ain't Christmas without the one you love. Hey! Les albums de Noël de nos artistes comportent des chansons inédites qu'ils ont enregistrées pour leurs albums, mais aussi des reprises, bien sûr, des chansons traditionnelles de Noël. C'est le cas de What Child Is This d'Earthwind and Fire qu'on vient d'entendre, qui figure sur notre album fil rouge du jour, notre album fil rouge de Noël cette année, le nouvel album d'Earthwind and Fire qui s'appelle Holiday. C'est le cas aussi pour l'extrait qu'on va écouter maintenant, Away in a Manger, donc Earthwind and Fire, qui seront suivis de Dean Martin avec I'll Be Home for Christmas. Tous les grands noms de la variété américaine ont chanté Noël. If only in If only in my dream. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Toujours l'esprit de Noël qui souffle sur Solid Gold aujourd'hui, avec à l'instant Kelly Clarkson et Oh Holy Night. L'enfant au tambour qu'on a entendu tout à l'heure était chanté par Whitney Houston. On a entendu sa fille, d'ailleurs, qui était aussi dans l'enregistrement. Il est repris aussi sur cet album d'Earth, Wind & Fire, Holiday, qui est notre album de Noël cette année dans Solid Gold. Ça s'appelle The Drummer Boy. Et vous allez voir, c'est une autre version, une autre interprétation de cet enfant au tambour. Et que serait Noël sans la chanson Noël Blanc, White Christmas, un classique de Noël qui avait été créé par Bing Crosby dans les années 30. C'est la version de Peggy Lee qu'on va entendre juste après Earth, Wind & Fire. Ooh. Christmas, just like the ones I used to know. Listen, and children listen to hear sleigh bells in the snow. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Quand je vous disais que les plus grands avait chanté Noël, je ne vous mentais pas, puisqu'à l'instant c'était Monsieur Frank Sinatra avec un autre classique, Have Yourself a Merry Little Christmas. On va retrouver tout de suite Earth, Wind & Fire avec leur album Holiday, un album qui célèbre les chansons de Noël. Every Day is Christmas, c'est le titre qu'on va écouter. Et puis vous connaissez forcément la chanson Let It Snow, vous connaissez d'ailleurs certainement la version de Frank Sinatra qu'on a beaucoup entendue, notamment dans une publicité. Et bien moi c'est la version Smokey Robinson and the Miracles que je vous propose juste après Earth, Wind and Fire et Every Day is Christmas. Every day is like Christmas Day with you in my arms, getting cozy in Santa's sleigh, you to keep me warm. Underneath that big green tree, the stars shine down, it's so heavenly. Oh, every day is like Christmas Day when you're with me. Every song is a Christmas song, hear the angels sing, and when you kiss me I sing along, just hear the bells ring. In the spirit of good cheer, they chime so magically, all can hear that. Every song is a Christmas song with you, my dear. Today is Christmas, yeah. Every day is Christmas. I may be naive, but I do believe that reindeers fly on a Christmas Eve. Everywhere that we look around, it's starting to snow, and when you hold me with you I've found all I need to know. Hiding in this spot above the chimney tops, watching Santa Claus make his stops. Oh, we're so happy with what we've got. Oh, come on baby, let's rock. Kiss goodnight. How I hate going out in the storm. Une musique de film dans Solid Gold, tiens, c'est pas courant. C'est une musique signée John Williams pour le film Maman, j'ai raté l'avion qui se passait à Noël. Vous vous souvenez certainement de ce morceau Merry Christmas que l'on vient d'entendre. Un traditionnel encore sur l'album d'Earth, Wind & Fire, Holiday. Vous remarquerez que toutes ces chansons de Noël sont remixées à la sauce. Earth, Wind & Fire, The First Noël. C'est la chanson qu'on va écouter tout de suite. Et puis juste après, il y a des traditionnels, des incontournables dans les chansons de Noël. Gladys Knight and the Pips nous proposeront juste après le fameux Jingle Bells. seated by my side. The horse was thin and slow. His trouble seemed to grow. He slipped into a drifting bank. So blue, thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree, they won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, your Christmas of white, but I have a blue, blue Christmas. Christmas. you know that I have a blue Christmas. Oh, darling, I have a blue Christmas. On a eu tout à l'heure un White Christmas par Peggy Lee, pourquoi pas un Blue Christmas par Harry Connick Jr. Pourquoi pas, chacun fait comme il veut. Sleigh Ride, c'est un classique de Noël aussi, il figure sur l'album d'Earth, Wind & Fire Holiday. Alors on va l'écouter tout de suite, il n'y a pas de raison. Et puis juste après on aura Michael McDonald, l'homme à la voix de velours. Every Time Christmas Comes Around, j'espère que vous appréciez cette émission spéciale Noël. Yeah, yeah, yeah. Ow. Just hear those sleigh bells jingling, ting, ting, tingling, till. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Children's laughter and the snow. I've waited and waited for someone I'll never see. But I'm so sentimental, and I'm so hopeful you'll be there. Here I am. Patti LaBelle dans Solid Gold, elle aussi a chanté Noël, Every Year, Every Time, Every Christmas. C'est la chanson que l'on vient d'écouter juste avant, c'était Michael McDonald. Snow, maintenant la neige, est chantée par Earth, Wind & Fire sur l'album Holiday qui vient de sortir. C'est un album vraiment de circonstances et juste après on aura le groupe The Letterman avec The Christmas Waltz. Thank you. Do you remember me? I sat upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now. Can you still help somehow? I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart at wars would never start. Would never end. This is my grown-up Christmas list. What is this illusion called? The innocence of you. C'est certainement une de mes chansons de Noël préférées. C'est Natalie Cole qui chante Grown Up Christmas List, un standard de la chanson de Noël qui était là produite par David Foster. Jingle Bell Rock, vous connaissez forcément aussi cette chanson de Noël. Eh bien, c'est Earth, Wind & Fire qui la reprend sur son album Holiday. Et puis, juste après, nous aurons Barry Manilow avec The Christmas Song, et puis juste après Barry Manilow, le classique des classiques de la chanson de Noël. Je ne vous en dis pas plus. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's a right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding on a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. that's the Jingle Bell Rock. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. Rock, rock, oh. Jingle bell, rock, rock. The jingle, jingle, jingle bell, rock, rock. Rock, rock. Sure is the jingle bell, rock, rock. The jingle, jingle, jingle bell, rock, rock. That's the jingle bell, rock, rock. The jingle bell. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard. That Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Child is gonna spy to see if reindeer really know how. To kids Et oui, vous avez reconnu, bien sûr, Silent Night, Douce Nuit. C'est le plus classique des classiques des chansons de Noël. Il était interprété au saxo par Kenny Jay. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold spécial Noël. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter toutes ces chansons de Noël. Et on va se quitter, avant de se quitter d'ailleurs, je vais vous rappeler, n'oubliez pas, hein, internet, solidgold.fr pour retrouver toutes les émissions en direct, en podcast ou à télécharger. Vous saurez tout sur les artistes que l'on écoute dans Solid Gold. Et puis également la page Facebook de l'émission Solid Gold, votre émission de variété anglo-saxonne, pour vous tenir au courant directement. On va se quitter donc avec un dernier extrait de l'album d'Earth, Wind & Fire, Holiday, qui est leur album de Noël qui vient de sortir. Et vous vous souvenez certainement du morceau September de Earth, Wind & Fire. Eh bien, ils ont décidé de le remettre à leur sauce, de changer un petit peu les paroles pour les rendre plus de circonstances, on va dire. Eh bien, September est tout simplement devenu December. C'est la dernière chanson qui figure sur cet album et c'est avec elle qu'on va se quitter. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, n'abusez pas des bonnes choses et on se retrouve très vite pour un nouveau Solid Gold. Salut! Remember the 25th night of December, love was changing.